cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, shurutun nasr. Dans le dars précédent, on a commencé l'étude de ce nouveau chapitre, an-nasr, et tout ce qui concerne les textes abrogés. Wa qara'na at-ta'rif, la définition de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, et kadhalik des fawa'id, nafisa. Il a cité des exemples. Rahmatullah alayhi. Et كذلك il a démontré que le nasr la yadkhul fi ba'd al-abwab kal-akhbar wal-ahkam allati takun maslahatan fi kulli zaman wa makan min kulli wajh, hay des masalih mahdha. Wa dans ce dars on commence la lecture des shurut. Qala rahimahullah shurut an-nasr yushtarat lin-nasr fi ma yumkin naskhuhu shurutun منها نبه الشيخ رحمه الله dans le شرح que في الحقيقة il faut s'arrêter après شروط ne pas lire شروط منها et là tu peux penser que منها est من الشروط ولا شك أن المراد يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط ثم tu t'arrêtes منها et tu commences le premier et le deuxième. قال منها اي parmi ces conditions la première الاولى تعذر الجمع بين الدليلين فان امكن الجمع فلا نسخ لامكان العمل بكل منهما. Et ça c'est un شرط important. ان الاصل on a dit c'est qu'il y a pas de نسخ. À la base c'est qu'il n'y a pas de نسخ. Donc si deux preuves elles se contredisent en apparence, on ne doit pas se précipiter à dire que ce texte il est mansoukh par ce texte qui est nasikh. Là, awwalan, on essaie de faire al-jam'. Fa idha ta'adhdhara al-jam' bayna ad-dalilayn, fa fi hadha al-hal, on regarde. Fa in amkana al-jam' fala nasikh li imkan al-'amal bi kulli minhumā. Si on peut faire le jam, on le fait. Si on ne peut pas faire le jam, on passe à l'étape suivante. لِأَنَّ الْبَعْضَ عِنْدَ مُجَرَّدَ التَّعَارُضِ ils prétendent qu'il y a un nasr. وَهَذَا c'est pas tariqat أهل العلم. العلماء يتأنون في هذا. لِأَنَّ le fait de dire c'est nasr mansour, là chaque un hukm ou un lafd, il va être abrogé. Et هذا là chaque il faut un délil. C'est pour ça que l'insan yentabih. Amma al-ba'd mujarrad ta'arud, le da'f vient d'eux, la faiblesse elle vient d'eux. Ils ne reviennent pas à ahl al-ilm et ils n'ont pas assez de connaissances des preuves, ils ne savent pas est-ce que ce dalil il a été abrogé. Amla kadhalik ba'dhum, ils ont un da'f fi al-hadith et ils ne savent pas est-ce que ce dalil il est sahih. Amla, ils pensent qu'il y a une contradiction alors qu'un des deux textes il est da'if. Fa al-haqiqa le da'if tu ne le prends pas en compte et il n'y a aucune contradiction. Thaniyan, العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. Ça c'est une condition très très importante. Si on ne peut pas faire le jam' et on ne peut pas rassembler ces deux textes, إما deux versets, إما un verset, un hadith, إما deux hadith, si on ne peut pas, on regarde التاريخ. هذا bien sûr إذا تعذر الجم'. On répète, si on ne peut pas rassembler entre les deux textes. On doit regarder At-Tarikh. At-Tarikh, c'est la date, le temps. Est-ce que ce hadith, il est après ce hadith ou ce verset, il a été révélé après? Tu es obligé d'avoir une notion du temps. Limada, li'anna an-nasikh wal-mansukh, tu as un texte qui va abroger un deuxième. Et celui qui abroge, il est forcément venu après le premier. Celui qui va être abrogé, c'est le premier. Il y en a le deuxième, il est venu pour... Il a été révélé pour l'abroger. Donc, tu es obligé de savoir c'est lequel le premier, c'est lequel le deuxième. Et là, tu peux le connaître. Comment savoir en a ce texte, il a été révélé après l'autre, après le premier. Là, c'est Imma bin Nas. Imagine, tu as un nas, un texte clair dans le Coran, dans le Sunna, qui montre que ce texte, il a été révélé en premier. Donc, le deuxième, il l'abroge. Imma, بخبر الصحابي إما compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم il informe الناس ce texte il a été révélé après أو بالتاريخ أو بالتاريخ مثلا avant الهجرة après الهجرة une date claire أو مثلا une غزوة telle bataille on sait que telle bataille elle a lieu telle année et on sait que l'autre حكم il a été à telle année بكل سهولة on pourra appliquer الناسخ والمنسوخ قال مثال ما علم بي مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. Le texte est clair. كنت أي je vous avais autorisé الاستمتاع من النساء. الاستمتاع هنا بمعنى المتعة. المتعة c'est عقد النكاح لأجل معلوم أو لوقت محدود سزاء المتعة مثلا رجل يدسي de se marier avec une femme pendant un mois pendant une semaine pendant un an النبي صلى الله عليه وسلم au départ il l'avait autorisé لماذا لأنهم ils avaient de grands besoins et ils étaient في بلاد الغربة مثلا في الجهاد certaines معارك النبي صلى الله عليه وسلم leur avait autorisé هذا الاستمتاع مثلا ils étaient dans tel pays ils pouvaient se marier un mois la durée de leur séjour dans ce pays et quand ils avaient fini ils divorçaient c'est ça le mut'a النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة la chronologie elle est claire c'était autorisé avant ثم الله إلا interdit jusqu'à يوم القيامة حديث علي رضي الله عنه إلي معروف في هذا الباب أن المتعة حرمت إلى يوم القيامة donc le texte il est واضح donc jusqu'à يوم القيامة c'est interdit de pratiquer المتعة vu que الروافض الزنادقة الضلال Il ne donne aucune importance au texte. Ce hadith, matalan, il a été rapporté par l'imam muslim. Tu as d'autres hadiths, hadith Ali, radiyallahu anhu, dans d'autres masadir, fi sahih wa fi ghayrih, vu que hum, yukaffiroun, mitle, haoula al-a'imma, et yukaffiroun, akthar al-sahaba, radiyallahu anhum, ils ont rejeté tout cela. Et ils sont restés sur les premiers textes. Et ça nous montre, fil haqiqa, anna ahl al-ahwa wa shar, ils prennent des textes que ceux qui les arrangent. Vu que هؤلاء الزنادقة c'est des عباد لشهواتهم كثير منهم et ils aiment الفسق والفساد ils se sont accrochés à certains textes qui montraient que المتعة c'était permis et ils ont rejeté les textes qui ont montré clairement que c'est devenu interdit. Ils ont pris la permission et ils ont délaissé l'interdiction. هكذا الهوى الإنسان يحذر. C'est pour ça que c'est important هذه الأصول. L'étude de ce genre de livre, Usul Fiqh, ça te permet de comprendre les textes. Et comment appliquer les textes? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Qu'est-ce qui passe avant tel texte? On a vu Al-Khas ou Al-Am, on a vu Al-Mufassal, Al-Mubayyin, Ila Akhri, c'est très très important. Wa illa, l'insan, si suit les textes avec Al-Hawa, c'est ce qui a causé l'égarement de Al-Khawarij wa Al-Rawafid wa Ghayrihim. Fata amma Al-Hal Al-Rafida. Pour eux, الآن هذه المتعة كما تقدم معنا dans la kalima qu'on a fait sur بيان حالهم sur la secte des روافض أن تسعة أعشار دينهم c'est 9/10 de leur دين عندهم c'est أصل من أصول الإيمان والإسلام ils ont mis المتعة au rang de أصول de fondement alors que النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith Il a démontré أن الله عز وجل interdit المتعة إلى يوم القيامة. Et كذلك تأملوا أن النسخ, on avait dit, c'est par rapport à certains ahkams qui ont une maslaha dans un temps donné ou une époque donnée. Enfin, à un moment donné, il y avait une maslaha pour le المتعة, d'appliquer المتعة. Et le mariage temporaire, ils le traduisent, si on ne l'a pas traduit. À un moment, il y avait une maslaha. فلهذا, c'était autorisé. ثم, الله سبحانه وتعالى, il l'a interdit. إلى يوم القيامة, on n'a plus besoin. C'est pour ça que l'ulama, il conseille à celui qui voyage dans un pays lointain Et il est marié, enfin, il emmène sa femme ma'a. Kadhalik, celui qui est célibataire, il a un besoin, il se marie. S'il est dans un autre pays, il ne peut pas, enfin, il revient dans son bilad et il se marie. Alhamdulillah, il y a des solutions d'aïman. قال ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. Donc il y avait un verset, ça c'est من المنسوخ لفظا. Il y avait un verset كما أخبرت عائشة فيما أنزل من القرآن عشر رضعات. أي l'enfant qui allaitait auprès d'une femme, cet enfant, ça devenait le fils de lait de cette femme à partir de 10 radaat. Et on a détaillé, mais il y a ta'alak bil radaat. Al-dhabit, c'est quand que ça devient un mahram amla. Qu'on ne détaillera pas huna. Qala, thumma, nusikhna bi khams ma'loumat. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré en inscrivant cet enfant. Ça devient le fils de lait de cette mère, sa mère de lait, 5 radaat. Qala. Donc, هنا, on a khabar Aisha radiallahu anha. Donc, khabar al-sahabi. Kana fima unzil. Aisha radiallahu anha l'a montré clairement, c'était avant. Kana fima unzil. Au départ, dans le Coran, il y avait un verset qui montrait que c'était 10 fois. Qala, thumma. Ça montre le temps. Et ensuite, nous sikhna. Ça, c'est clair que Aïcha radiallahu anha l'a démontré que le hukm de 10, il a été abrogé par 5. قال ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. Si on connaît التاريخ avec une قرينة كقول الله عز وجل الآن هذا ça montre أن ce qui était auparavant c'est abrogé. وهكذا si on a un texte qui montre أن هذا c'est avant الهجرة et un autre après الهجرة فهذا tu pourras savoir التاريخ. وهكذا par rapport aux غزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الموت يوم خيبر كما جاء في الحديث. Tu as un indicatif, on a de temps. خيبر أو غزوة كذا أو كذا تل باتاي. فتو ça, ça va t'aider à savoir الوقت, التاريخ. Donc, هذا, c'est la deuxième condition. العلم بتأخر الناسخ. أي, tu dois savoir que الناسخ, il est venu après ماذا؟ Al-Mansukh. Al-Nasikh, il est toujours après Al-Mansukh. Et ce qui a abrogé, c'est toujours avant ce qui a été abrogé. Al-Nasikh et Al-Mansukh en arabe. Qal al-thalit, la troisième condition, thubut al-Nasikh. Ay, min hayth al-Sihah. Si c'est un hadith, il faut que ce hadith il soit thabit. Amma, si c'est le Coran, le Coran c'est clair. أما بعض الأحاديث ضعيفة فأحاديث ضعيف يبقى أبروجي حديث صحيح في هذا الحال تفعل الجمع سيلي ضعيف فأنا بقى أبخوندر الحديث ضعيف دونك هنا سيكلير. قال واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر فما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح. على كل حال فك هذا الحديث يسوى ثابت qui soit sahih, qui soit hasan, qui soit jayyid, al-muhim, il est thabit. Qui soit ahad ou mutawatir, que la chaîne de transmission, il y a beaucoup de rapporteurs ou qu'il n'y en a qu'un dans une tabaka du isnad, ça ne change rien. فالحقيقة, هذه التقسيمات, ahad, mutawatir, pour accepter al-hukm, ou pour que ça soit une condition pour qu'on applique al-nasikh ou al-mansukh, tout ça c'est venu de al-mu'tazila, al-dullal. Wa illa fa al-salaf, ils acceptaient al-hadith, que ce soit dans un hukm, que ce soit dans la croyance, sur l'aqida, qu'il soit mutawatir ou ahad. Hadi al-istilahat, c'est venu après. Amma inda al-sahaba ou man ba'dahum, ces mots ils n'existaient pas. L'essentiel pour eux, c'est que la chaîne de transmission elle était authentique. ثم جاء قوم pour rejeter certaines preuves, خاصة في باب المعتقد, خاصة في باب الأسماء والصفات, ils ont dit ce hadith il n'est pas mutawatir. Même si c'est un imam qui le rapporte, s'il est seul ou ils sont deux, trois, ça n'atteint pas le niveau de mutawatir. Le mutawatir c'est à partir d'un certain nombre. Un certain nombre, c'est impossible de rejeter le khabar. Limada lianna, toutes ces personnes de confiance, c'est pas possible qu'elles ont toutes menti. Là, chaque hadith, il est accepté. Beaucoup de hadiths, fil Bukhari, fil Muslim, c'est min hada al-bab. Et ils ont dit al-ahad. Al-ahad, c'est en dessous du mutawatir. Si le rapporteur, il est seul, ou ils sont que deux, ou trois, ou cinq, ou dix, et ils ont mis certaines limites, pardon, mais ils ont dit telle chose. Mouhim, si on prend l'exemple 4-5, ils disent c'est min al-ahad. Al-ahad, c'est pas que un. Là. C'est tant que c'est pas le mutawatir. C'est possible qu'ils se sont trompés, c'est possible qu'ils ont oublié, c'est possible. Ils rejettent leur khabar. Même si le hadith, il est à la charte al-Bukhari. Et hada, c'est min al-inhiraf. C'est pour ça que certaines preuves par rapport à certains attributs d'Allah Azza wa Jal, al-Mu'tazila, ils disent ça, c'est min al-ahad. On n'accepte pas. On n'accepte que al-mutawatir. Et c'est des menteurs. Par rapport à leur passion, ils ont accepté des ahadiths dhaïfs. Bel, ils ont accepté بعض كلام الضلال par rapport à leur croyance. Matalan, معنى استوى بستولى, c'est un vers de poésie d'un chrétien. Ils l'ont accepté. Quand c'est contre leur passion, ou alors c'est un verset du Coran, ils le rejetteront. Et tout ça, c'est du kadhib. Le fait de différencier entre ahad et mutawatir, ils ont propagé Hada pour faire croire qu'ils sont à la shay et annahum ya'tanuna bil ilm. Et annahum, ils se sont basés sur des règles. Wa illa nahnu, on n'a pas besoin de Hada. Que ce soit nasikh wal mansukh, ou l'ahkam ou mu'taqad, si le dalil il est sahih, ou il est hasan, muhim il est thabit, les ulama ils l'ont accepté, falhamdulillah, on le prend. Même si certains savants ils ne l'ont pas accepté, et certains savants ils ont montré qu'il est thabit, on l'accepte. C'est ça, as-sahih. Donc cette condition, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, elle n'est pas sahiha. On récapitule les trois conditions. Donc, ta'adhur al-jam', on ne peut pas rassembler entre les deux preuves. La deuxième condition, on doit connaître ta'akhur al-nasir. On doit savoir que al-nasir, ce qui va abroger, c'est venu après al-mansur. Ou illa, on ne pourra pas appliquer la règle. Et la troisième, bien sûr, que al-nasir, et ce dalil qui va abroger un hukm, qu'il soit sahih. Si c'est du Coran, c'est clair. Si c'est un hadith, il faut que ce hadith il soit thabit. Qu'il soit sahih, hassan, mutawatir, ahad, en haqiqa, la yu'athir. On accepte à la kulli hal. Tant qu'il est thabit. Aqsamu al-nasr. Yanqasimu al-nasr bi'i'tibar al-nasr al-mansukh ila thalatati aqsam. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, huna, il a cité an-nasr, il y a trois catégories. Aïe, par rapport au hukm et au lafd. Au hukm et au lafd, comme on l'a cité dans le dars précédent. Qala al-awwal ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafdhu. Wa hadha huwa al-kathir fi al-Qur'an. Ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafdhu. Aïe, le hukm nusikh, on ne peut plus appliquer, lakin on continue de le réciter. Famathalan qala mithaluhu ayat al-musabara. Ayata, il y en a deux. Le asl c'est ayatan, lakin hudif al-nun li annahu il est mudaf. Qala wa huma qawluhu ta'ala in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibuna 200. Hadha al-hukm il est mansukh. المجاهدون الآن كل واحد يقابل اثنين. أما هذا c'était avant. لكن le verset il est toujours dans le Coran et on le récite. لكن الحكم n'est plus applicable. هذا قوله ما نسخ حكمه وبقي لفظه. Le lafd, il est encore présent. Tu trouves ce verset في سورة الأنفال. لكن الحكم, il a été abrogé par autre chose. قال نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. واحد peut se demander si le حكم il a été abrogé, pourquoi le lafd n'a pas été abrogé? Pourquoi on continue de réciter si on ne peut plus l'appliquer? Il a cité deux hikam. La première hikma, baqa'u thawab. Pour chaque lettre, tu as dit hasana. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas abrogé al-lafd, le verset, le fait de le réciter. Chaque lettre, tu as dit hasana. Enfin, celui qui récite surat al-anfal et il récite cette partie qui a été abrogée, il est récompensé. كذلك تذكير الأمة بحكمة النص. نعم. كذلك حتى الأمة. Chaque mu'min qui récite, il sait le verset qui a été abrogé et يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. Ça c'est une ni'ma et une rahma min Allah. Ça doit nous pousser à être reconnaissant. Donc, هذا c'est le premier قسم. نسخ حكمه وبقي لفظه. Le حكم, il a été abrogé et le لفظ il est toujours présent. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. L'inverse. نسخ اللفظ, le لفظ tu peux plus le réciter. لكن الحكم il est toujours présent. قال كآية الرجم. كآية الرجم. شيخ ابن عثيمين لا pas cité dans le شرح لا من ينظر اي le verset qui a été abrogé est-ce qu'il l'a cité لا il l'a pas cité قال فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم. Vous vous rappelez, Anna, pour savoir est-ce que tel verset il a été abrogé ou tel حكم, un des moyens de savoir c'est la parole du sahabi. تقدم معنا مثال avec hadith عائشة رضي الله عنها et هنا on a un autre exemple hadith عمر رضي الله عنه. فقال كان فيما أنزل الله آية الرجم. أي parmi les versets que Allah il avait révélé آية الرجم. Il y avait un verset sur الرجم. قال فقرأناها وعقلناها ووعيناها. Il l'a récité pendant un certain moment. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. Donc ça montre كان فيما أنزل, ça montre que ce verset il a été abrogé. أي après une certaine période, il ne le récitait plus. C'est pour ça que tu ne le trouves plus dans le mushaf. Ça fait partie des versets qui ont été abrogés, lafdan. Le lafd, il a été abrogé. لكن تأمل قوله رضي الله عنه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. Ça montre que le hukm, le prophète صلى الله عليه وسلم, il l'a appliqué et les sahaba après lui, ils l'ont appliqué. Ça montre que le hukm, il est toujours présent, il a yom al-qiyama. Ça fait partie des hudoud que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré, même si le lafd il a été abrogé. قال فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله. Et c'est arrivé. هذا لا شك فيه. أن عمر رضي الله تعالى عنه il a informé أنه يخشى. Avec le temps qui va passer, il a craint que بعض الناس ils vont dire on n'a pas de verset sur Ar-Rajm. Ce n'est pas cité dans le Coran. Donc, on n'applique pas et on n'accepte pas. Et c'est ce qui est arrivé. Et ça nous montre l'hikma. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi l'hikma? Que le lafd il a été abrogé et le hukm il est resté. C'est un ibtila. C'est une épreuve. Est-ce que les gens, ils vont croire au message du prophète alayhi salatu wasalam? Le prophète alayhi salatu wasalam, il l'a dit, il l'a appliqué. Il a appliqué Ar-Rajm sur Al-Yahoudi ou Al-Yahoudiya et d'autres. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils l'ont appliqué. Ben, on a un texte. Cette parole de Omar, elle est sur le Sahihayn. Et l'Umma islamiyya, ils acceptent tous Sahihain. Ils disent que c'est les livres les plus authentiques. Enfin, pourquoi rejeter le Rajm? On a un khabar clair de Umar que ça faisait partie du Coran. Et en fait, قول عمر كان فيما أنزل الله آية الرجم, ça nous suffit. Même si le verset a été abrogé, لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه, c'est un compagnon, et les compagnons, c'est tous des personnes de confiance. Donc c'est un ibtila. Et tu trouves l'an كثيرٌ من المنافقين ومن تأثر بهم يرجت هذا. Il dit, il n'y a pas de rajm. Vous l'avez inventé dans le Coran, il n'y a pas. Et il y a une secte, عياذا بالله, qui prétend plutôt suivre que le Coran, le Coranien. Et tout ce qu'il n'y a pas dans le Coran, il le rejette. Et c'est des kafaras, c'est des dhullal. لأن le Coran, ou l'islam s'est fondé sur le Coran et sur sunnah. Si on n'a pas le jugement dans le Coran et on l'a dans la Sunna, enfin on applique la Sunna. قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم عمر رضي الله عنه إلى متخن الرجم سحق إلى شك في كتاب الله وفي السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Lafd, il a été abrogé et Al-Hukm, le jugement de celui qui fait zina, bien sûr, Al-Muhsan, Ahuna, Iza Uhsina, min al-Rijal et Wan-Nisa. Al-Muhsin, c'est celui qui s'est marié avec un acte de mariage sahih, qui a eu des rapports avec sa femme, Thumma, waqa'a fi zina. Imma, quand il était marié avec sa femme, ou Ba'd, même s'il a divorcé, il est considéré Muhsan. هذا si il fait zina, الرجم, sa sentence c'est la lapidation. قوله وقامت البينة c'est بأربعة شهود. البينة, pour appliquer cette sentence, il faut plusieurs conditions. La première, أن يكون محصنا. Et la deuxième, البينة. البينة c'est quatre témoins. Hommes, من العدول, des personnes de confiance. Quatre, des hommes qui ont vu l'acte. أو كان الحبل. الحبل c'est le haml. Et que cette femme, elle est tombée enceinte et elle n'était pas mariée. Ou, et à notre époque, il prouve qu'elle est tombée enceinte avec autre que son mari. Et elle a fait zina. Hada, la shak, cette femme, elle ne peut pas tomber enceinte sans avoir de rapport. Enfin, le fait qu'elle est tombée enceinte, ça prouve qu'elle a eu des rapports haram. Avec hada al-hal, la peine, elle est applicable. Ou l'i'tiraf. Comme cette femme à l'époque du prophète alayhi salatu salam, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a demandé min quwwat imaniha wa sidqiha fi at-tawba, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam an yuqim alayha al-hadd. Elle était enceinte radiyallahu anha. Et كذلك un homme s'est arrivé à l'époque du prophète alayhi salatu salam ay li'tiraf, ay celui qui reconnaît annahu il a fait, enfin la peine elle est applicable sur lui. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. Et on vient de la citer ensemble. ولله الحمد. Ça nous montre que notre din il est fondé sur le Coran et le Sunna avec la compréhension des Sahaba رضي الله عنهم. أما الهوى, prendre ce qu'on veut, délaisser ce qu'on veut, prendre une partie des textes, فنعوذ بالله. فالله سبحانه وتعالى avec هذا النسخ il a éprouvé l'umma. Qui sait qui va suivre réellement le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et qui sait qui va suivre ses passions. قال وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. نعم, حديث عبد الله بن سلام في الصحيح المعروف. الثالث, ما نسخ حكمه ولفظه. Troisième cas, manusikha hukmuhu wa lafdhuhu. Le hukm et le lafd, ils ont été abrogés. Le premier, c'était que le hukm, le lafd, il est toujours présent. On a un exemple avec le verset de Surat Al-Anfal. Le deuxième, le lafd, il est plus présent. Lakin, le hukm, il est toujours applicable. Ar-rajm, la lapidation. Le troisième, al-hukm et le lafd, ils ont été abrogés. Et tu n'appliques pas et tu ne récites plus. قال كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. Et le verset est abrogé, on ne le récite plus sur l'allaitement qu'il faut minimum 10 fois. Et كذلك لو جوجمون لابليك بلو ماتونان سي 5 فوا فهذا سي واضح. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعه اقسام. هذا سان اوتر تقسيم بور مونتري سي كوا كي ابروج كوا. القران الى ابروج القران, السنه الى ابروج القران, القران الى ابروج السنه, السنه الى ابروج السنه. تو 4 كا. قال الاول نسخ القران بالقران ومثاله ايه المصابره, اي un verset du Coran qui abroge un autre verset du Coran, les deux versets de sourate Al-Anfal. نعم. Le 65 et le 66, Cheikh Ibn Uthaymin les a cités au début de Aqsam al-Nasr. هذا c'est clair. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. بعض العلماء يسد أمثلة, لكن Cheikh Ibn Uthaymin il a démontré dans Sharh Anna tous les exemples qui sont connus dans les livres de Usul. Fa fihim nadar. Imma al hadith فيه شيء من الضعف إما سبا من باب النسخ. المهم شيخ ابن عثيمين هنا قال لم أجد مثالا سليما, il n'a pas trouvé un exemple authentique clair pour appliquer, أي أن القرآن نسخ بالسنة, نسخ القرآن بالسنة, أي c'est السنة qui abroge القرآن. Et في الحقيقة حديث عائشة رضي الله عنها, أي نسخ 10 رضعات ربما يدخل في هذا, لأن 10 رضعات ستة في القرآن كما قالت عائشة مغيبت فيما أنزل, كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات. Donc il y avait un verset qui montrait que pour l'allaitement c'était minimum 10 fois. ثم قالت ثم نسخنا بخمس معلومات. الحديث اللي في صحيح مسلم, فلعل سي هذا, لكن on a besoin de كلام دان إمام في هذا. فبور لو بروشان طرس سولوي كي تخوف نسخ القرآن بالسنة أن إكزومبل حديث عائشة سوغ لاليتمون أو أوتر, فإن شاء الله أون لاجوترا كلام شيخ ابن عثيمين. أما شيخ ابن عثيمين دون الشرح إلا با سيتي أن أوتر إكزومبل. هذا أون إسيغا فيت موا بونسي بور لا سمين بروشان دو كونفيرمي ليكزومبل حديث عائشة رضي الله عنها أو أن أوتر. الثالث تخوازيام كان نسخ السنة بالقرآن, أي سي القرآن كي أبروج الحديث. ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة, باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. النبي صلى الله عليه وسلم au départ avec ses compagnons il faisait الصلاه en direction de بيت المقدس, en direction de Jérusalem. Ils étaient fil Medina, ils se dirigeaient au nord. Jérusalem, c'est au nord de Médine. Comme le hadith ibn Omar, radiallahu anhu. ثم Allah subhanahu wa ta'ala نسخ هذا الحكم بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Et en direction de Mecca. Mecca, c'est au sud de Médine. Le Medina, c'est entre Mecca et Jérusalem. Donc, c'était la direction opposée. C'est pour ça que fi hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu quand le hukm il a changé, ay le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah il lui a révélé ce verset, enfin la prochaine salat qu'ils ont fait, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est dirigé en direction de Mecca, ils sont tous dirigés en direction de Mecca derrière lui. Lakin il y avait un autre masjid fil Medina qui n'ont pas fait salat avec an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait plusieurs masajid à l'époque du prophète alayhi salatu salam. Certains compagnons, ils ont fait salat dans un autre masjid. Ibn Umar, quand il a fini salat avec le Nabi alayhi salatu salam, et il est passé devant ce groupe de sahaba qui faisait salat en direction de Bayt al-Maqdis, il les a informés. Il les a informés un nouveau verset, il est descendu et il leur a récité dirigez-vous en direction de Al-Kaaba. Ils sont tous pendant la salat, ils ont tous changé de direction et ils se sont mis en direction de Mecca. Ça c'est un dalil azim anna khabar al-thiqa il est accepté. Ils n'ont pas dit à un instant est-ce que tu es tout seul, ou plutôt est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'ils sont plusieurs, est-ce que quelqu'un peut confirmer ta parole, est-ce que tu es sûr. Abadan, en pleine salat ils ont changé de direction. Donc, قول المعتزلة أن حديث الآحاد c'est pas accepté, فهذا c'est une حجة contre eux. الصحابة, ils acceptaient. لماذا? لأنهم, ils ont reconnu Ibn Umar, ils le connaissaient, et ils savaient que c'était une personne de confiance. Il les a informés بهذا, il ne va pas mentir, معاذ الله. كذلك, c'est un دليل أن يجوز de se déplacer, de bouger dans certains cas, في الصلاة. لأن هؤلاء, ils se sont déplacés, ils ont changé de direction, et leur salat, la chèque, ils n'ont pas recommencé, elle était sahiha. Donc, certaines harakat fi salat, c'est permis. S'il y a une cause, bien sûr. Le fait de s'avancer qalilan vers la sutra, tout ça, c'est permis. Al-Rabi', quatrième cas, nasr as-sunna bis-sunna. Mithaluhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, kuntu nahaytukum anin nabidh fil aw'iya, fashrabu fima shi'tum, wa la tashrabu muskiran. وكذلك ما يتقدم ما تقدم معنا بلوتو في زيارة القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن زيارة القبور ثم قال زوروها توساس في السنة فبقي un مثال un exemple qu'on doit rechercher ou confirmer c'est le deuxième نسخ القرآن بالسنة أي un exemple que une sunna un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم il a abrogé un verset du Coran. Le verset du Coran, on l'a, par exemple, fi al-Radha, et il faut confirmer cet exemple avec la parole d'un imam. قال رحمه الله حكمة النسخ. Et après avoir étudié هذا الباب العظيم, les sagesses. Et on en a cité plusieurs dans le dars. من كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Et celui qui veut التوسع في هذا الباب وفي غيره من هذه الأبواب العظيمة. من أحسن المصادر سي كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمة الله عليه سي كتاب عظيم في الأصول بل سي لا ريفيرونس سي لو بروميير ليفر في هذا الباب اي فو كونيسي توس الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أئمة الإسلام المحققين اي لان ليفر الرسالة سي اون ريفيرونس اي توسع في الحكم إلى ديمونتري بشيء من التوسع إلى ديتايي les bienfaits, les sagesses de An-Nasr. قَالَ لِلنَّسْخِ حِكَمٌ مُتَعَدِّدَ مِنْهَا. Plusieurs sagesses. La première, مُرَعَاتُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ بِتَشْرِعْ مَا هُوَ أَنْفَعْ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنِيَهُمْ. À un moment donné, une chose, ça peut être meilleur pour l'ibad. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, au premier moment, il a légiféré une chose, bien sûr, qui est fondé sur le haq, sur le hikmah. Thumma, il y a eu un changement. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il légifère un autre hukm. Hada wadih. Qala thaniyan at-tatawwur fi at-tashri' hatta yablugh al-kamal. Est-ce que Cheikh Ibn Uthaymeen a cité des exemples fi hada? Al-oula, qala mura'atu masalih al-ibad bi at-tashri' ma huwa anfa' lahum fi dinihim wa dunyahum. Qala hada wadih. Na'am, hada il est clair. قال انظر مثلا الى مساله الخمر page 451 au milieu de la page وهي ابرز مثال يمثل به العلماء فالخمر لا شك ان الناس كانوا يالفونها وكانوا يتلذذون بشربها فلو نزل تحريمه مره واحده بطرا لكان ذلك شاقا عليهم لماذا لانهم ils avaient l'habitude contrairement à nous مثلا le hukm du khamr annahu il est haram c'est depuis l'époque du prophète alayhi salatu wasalam donc en haqiqa il y a beaucoup moins de mashaq de mashaq n'am amma hum la c'était autorisé عند الجميع tous ou beaucoup ou c'était répandu dans beaucoup d'endroits n'am ils buvaient la shak anna at-tahrim marratan wahida à ce moment ça allait très très dur limadha lianna l'alcool il y a une dépendance ila akhir. فالله سبحانه وتعالى رحمهم et petit à petit. Au début, c'était interdit في الصلاة إلى آخره. قال لهذا جاءت بالتدريج ولم يتم تحريمه إلا في السنة السادسة من الهجرة. أي c'est devenu totalement interdit la sixième année de الهجرة. أي بعد 19 سنة من البعثة. انظر. Ça faisait 19 ans que النبي صلى الله عليه وسلم il avait reçu la révélation. لكن قليلا التوحيد أولا، ثم لما تمكن الإيمان من قلوبهم الإسلام انتشر، ثم كذلك des étapes. Au départ c'est interdit في الصلاة، au départ c'était interdit que في الصلاة، ثم هكذا حتى c'est devenu interdit complètement. Le deuxième exemple قال أو la deuxième حكمة، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. قال ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة بنحو سنة أو ثلاث سنين أو خمس. المهم أنها ما وجبت من الأصل، وأول ما فرضت كانت ركعتين، ولما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الصلاة الحضر. هذا من التطور التدريج في هذه الأحكام العظيمة في التشريع. Au départ, la salat, c'était que deux. Thumma zida fil hadar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rajouté deux rak'at fil hadar. Et la base, al-hasr, c'était deux, c'est resté comme ça fil safar. Parce qu'on fait fil safar, c'était la base. Thumma, des autres rak'at, elles ont été rajoutées pour le muqim. Et kadhalik, tu peux citer, on a l'exemple de l'khamr. Et il l'a cité, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Ça c'est تطور في الحكم. L'interdiction de part في الصلاة. وهكذا حتى c'est devenu complètement interdit. قال ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. مثلا le fait que la qibla a changé. Ils ont accepté. الصحابة رضي الله عنهم. قال رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. نعم، لأن النسخ ça peut être de خفيف إلى أثقل، ça peut être de أثقل إلى خفيف. مثلا الله سبحانه وتعالى خفف عن المؤمنين en leur allégeant أنهم devaient combattre 10، c'est devenu 2. لا شك c'est un allègement. هذا ça doit nous pousser à être reconnaissant. عبادة الشكر. كذلك ça peut être من المباح إلى أثقل. مثلا l'alcool c'était autorisé ثم c'est devenu interdit. هذا لابد من الصبر. Et الصحابة رضي الله عنهم ils ont arrêté de boire, de vendre أو ceux qui pratiquaient هذا. Et صبروا والحمد لله. فهذا هذه c'est بعض الحكم في النسخ. فهذا الباب il est important فريفيزي. Et on avait déjà cité une faïda, Talib al-ilm yantabih, il ne laisse pas le shaitan lui faire croire qu'il va refaire le livre ou qu'il va écouter un autre charh. Ma tadri hada. Shaitan il fait beaucoup de mal aux étudiants min hada al-bab. Hatta la tajtahid, il te fait croire que de toute façon si tu ne l'as pas compris tu feras le livre une autre fois. De toute façon j'assiste, même si je n'ai pas bien compris je réécouterai les audios. Ma tadri. Matadri, est-ce que tu auras la force, est-ce que tu pourras? Là, tu fais le dors, fais-le bien une fois. Et si tu le fais bien une fois, mitla hadhihi ar-rasail al-mukhtasara, si tu l'étudies bien et tu révises bien, tu n'as pas besoin une deuxième fois. C'est des livres de débutants. Bal bi'idnillahi azza wa jalla, tu seras capable très rapidement si tu as compris. Thumma tu étudies d'autres livres, puis au sol et tu lis les ash-shuruhat. Anta tu seras capable de l'enseigner bi'idnillahi hatif khair. C'est des kutub très très simples. On fait attention à هذا الباب. فنجتهد الاجتهاد في العلم c'est une عبادة عظيمة. نحن les efforts qu'on essaie de faire et on essaie de s'améliorer c'est une عبادة. لابد نحتسب الأجر. On ne doit pas oublier. Ces efforts que tu fais c'est pas perdu. Et ces conseils que tu entends c'est من باب التعاون et c'est pour ton bien. الذي فهم هذا إن شاء الله ça va lui faciliter. Continuer al-muraja'a et كذلك العلم يحتاج الى الصبر livre après livre. احيانا c'est difficile certaines مسائل al-muraja'a احيانا c'est ثقيل surtout certains domaines certaines matières c'est plus lourd que d'autres لكن الانسان يصبر. C'est pour ça que العلماء comparent al-ilm au jihad. C'est un jihad عظيم بل c'est من انفع الجهاد لان c'est pour toi et c'est pour toute la umma. فالجهاد بالعلم سمن أنفع ما يكون أي combattre les ennemis d'Allah سبحانه وتعالى avec العلم خاصة à notre époque. On n'a pas la قدرة d'appliquer l'autre jihad. فهذا الجهاد والله الحمد il est متيسر à notre époque. faut que faire des efforts, avoir une bonne lien et faire des efforts. Thumma bi idhnillah azza wa jalla, tu propages le haqq. Et hada al-ilm al-azim al-usul, ça va t'aider à comprendre le haqq. Dans beaucoup de sujets, surtout bien sûr dans le fiqh, et bien dans d'autres matières que d'alik. Al-inaya, al-inaya. On fait des efforts, on s'améliore, on ajtahid akthar. Yom, ba'da yom, hatta yiftah Allah subhanahu wa ta'ala. Et on essaye de faire ces efforts. Et le but, c'est nalqa Allah azza wa jalla ala hada al-tariq. Léanna, étudier l'ilm, c'est une chose. Lakin mourir en tant que talib ilm, c'est une autre. Kam minan nas talabou l'ilm, thumma ils ont arrêté. Et le fait d'arrêter l'insan, il n'est plus talib ilm. C'était un talib ilm. Talib ilm, ce n'est pas une étiquette que tu as toute ta vie là. Talabou l'ilm, c'est par rapport aux efforts. Celui qui fait des efforts, c'est un talib ilm. Celui qui arrête, c'était un talib ilm. Et Robama, celui qui arrête, c'est très très grave. Léanna, il a connu une ni'ma et il arrête. Ce n'est pas un sport, ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose de dunya. Là, ça doit être des efforts continus. Chacun selon sa capacité. Et là, l'insan, des fois, il a des faiblesses. Des fois, il diminue. Des fois, il arrête certaines choses. Lakin, pas toujours. Mais celui qui arrête toujours, nas'alullah azza wa jalla salam. C'est une musiba kabira. Le fait de Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ait ouvert les portes, thumma on arrête. L'insan, il continue les efforts. Hatta yalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Et demain, inshallah, on fera une kalima après Al-Asr, notre prochain dars. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.